Au sport, le 27 décembre. Au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Offer de Saint-François, l'équipe Midget A des Sharks du Haut-Saint-François visite les Frontaliers à Quaticook à 17h. Le 28 décembre, dans la même Ligue, l'équipe Midget B des Sharks du Haut-Saint-François visite les Frontaliers 2 à Quaticook à 14h.